Histoire de chantier, la Minute Pro des artisans. Aujourd'hui, le digital facilite le suivi des chantiers des professionnels du bâtiment. Pierrick Roux, bonjour. Vous êtes artisan du bâtiment dans le domaine de la rénovation à Alès, dans le Gard. Quels outils numériques utilisez-vous pour superviser vos chantiers? Alors, les outils numériques que j'utilise sont des outils qui sont sur le cloud. Donc, je peux retrouver sur tous mes appareils, que ce soit mes contacts, mon agenda, mes mails, mes plans. Je dessine mes plans aussi, du coup, sur une structure en ligne. J'ai ma compta, mes devis, mes factures et aussi toutes mes commandes parce que j'utilise des plateformes en ligne pour commander la quasi-majorité de mes articles. Pour bien suivre un chantier avec ces outils numériques, il faut surtout ne pas avoir de problème de synchronisation entre les appareils. Il faut vraiment que tous les appareils soient à jour et avoir le même contenu sur tous ces appareils en même temps. Pour moi, c'est un gain de temps incomparable, c'est-à-dire que quand j'ai une modification à faire sur un devis ou une facture, je peux la faire en temps réel avec mon client directement, si je suis chez lui. Quand je vais faire une présentation de devis où il y a une modification de plan, c'est pareil, je peux y aller avec mon PC portable et faire la modif en direct avec le client. Donc on gagne un temps considérable pour sa vie de famille, c'est vraiment génial. Avec ManoMano Pro, le site d'achat en ligne pour tous les professionnels. Moins de temps pour commander, plus de temps sur vos chantiers. ManoMano Pro, on bosse pour vous.